Participez en grand nombre au Saint-Prime Open qui se déroulera cette année du 19 au 20 juillet au club de golf de Saint-Prime. Ayez la chance de jouer la mafia d'ouverture du 19 juillet ou le Saint-Prime Open Formule Vegas à 4 joueurs. Pour plus de détails, visitez la page Facebook du club de golf Domaine Lac-Saint-Jean ou contactez Roger Caron au 251-2831 poste 27. Vous désirez vous évader au cœur de la nature, vous endormir au pied des chutes, en couple ou en famille, et ce, avec tous les services compris? Visitez lechutealours.com et découvrez le site touristique de la Chute à Lourdes, notre camping nature au cœur du lac Saint-Jean. On va parler avec notre collaborateur de baseball, Marc Griffin. Salut Marc! Salut! Marc, j'ai écouté le podcast. Si les gens ne savent pas, là, il y a tous les lundis, ça sort sur le site de RDS, le podcast d'Alain Izereau et Marc Griffin, où on fait le tour du baseball. Et cette semaine, Marc, t'es allé avec des bonnes idées, je trouve, pour faire un peu changement. Le concours des coups de circuit, c'est bien correct, mais à un moment donné, ça vieillit. C'est comme un peu les concours d'ABT de la Ligue nationale de hockey. Faut que tu arrives avec d'autres choses. Et t'es arrivé avec des bonnes idées. Les courses sur les buts du premier au troisième, les relais au marbre et également les relais du receveur au deuxième but. Tu mentionnais que tu prendrais les trois meilleurs receveurs puis tes frais lancés au deuxième but. C'est des bonnes idées, ça, Marc? Ben, c'est-à-dire que moi, ça me fait rire parce que tu sais souvent, on dit « Ah, c'est des risques de blessure. » Puis hey, le gars là qui fait le concours de circuit, là, il dévisse 75, 90, 100 fois. Mm. Là, tu vas me dire, il n'y a pas un risque de blessure dans ça. Là. Mm. Ce que je veux dire, c'est que si un receveur s'échauffe comme du monde, il est capable de venir nous faire deux ou trois bons relais là, du marbre au deuxième. Tu comprends ce que je veux dire? Ou un voltigeur. Alors moi, là, tu sais, le baseball, là, c'est le fun de frapper les circuits, absolument. Je trouve ça génial. Mais il y a tellement autre chose que le baseball peut offrir. Mmh. Et là, moi, tu places les trois meilleurs bras des voltigeurs là, dans le fond du champ droit, puis tu dis, OK, les gars, lancez-moi une prise au marbre. Ouais. Et là, ben, tu peux chronométrer. Tu sais, aujourd'hui, avec la technologie, chronométrer, tu peux avoir la vitesse du relais, tu sais, il y a un paquet d'affaires, la précision. Tu fais la même chose avec les receveurs. Tu mets les trois meilleurs bras, là, et aussitôt que la balle entre dans le gant du receveur, tu pars le chronomètre, puis aussitôt que la balle arrive au deuxième, tu arrêtes le chronomètre. Tu sais, les gens vont réaliser à quel point, là, les bons receveurs vont faire ça à l'intérieur de 2 secondes. Ouais. Ça va super vite. Après ça, tu prends, je sais pas moi, Billy Hamilton, Dee Gordon, tes places au marbre, puis tu dis go, puis tu les envoies jusqu'au troisième. Mm. Tu sais, je trouve que c'est des affaires qui, puis encore une fois, là, je parle pas de mettre 12 gars là, par compétition. Là. Tu mets les trois meilleurs, puis tu y vas. Tu sais, moi, je trouve que ça valoriserait davantage les qualités d'un bon joueur de balle, puis en même temps, ben, je pense que ça serait différent des autres années. Ça prendrait pas tant de temps que ça à réaliser. Mm. Puis on démontrait à quel point c'est pas juste des gars avec des gros bras qui savent jouer au baseball. Il y a des très bons athlètes qui savent faire autre chose. Puis, pour moi, là, c'est des idées de base. Il pourrait en avoir d'autres, mais ça serait des idées de base. Ah, c'est... Moi, je trouve ça génial comme idée, Marc. Parce qu'à un moment donné, ça vieillit. C'est comme n'importe quoi. À un moment donné, il faut que tu te renouvelles. Parce que tu vas vieillir. Ben, exact. Exact. Moi, tu sais, j'aime le changement qu'ils ont fait à la compétition des circuits, tu sais, où il y a un temps limite. Mm. Fait que je trouve que là, ça roule. Puis là, c'est une paire de joueurs qui s'affrontent. Puis là, il y a les finales, demi-finales. Moi, je trouve que là, on a trouvé un concept qui est super à ce niveau-là. Maintenant, ben, si on pouvait juste ajouter à ça, moi, je pense que ça serait d'autant plus intéressant pour les gens à suivre. Là. OK. Deuxième point d'actualité, Marc, on n'en a pas beaucoup entendu parler dans les médias cette semaine, mais il y a un risque de... Là, il y a un bras de fer qui se dessine entre l'association des joueurs et les propriétaires du baseball majeur. On parle même d'un arrêt de travail peut-être en 2021. Apparemment que l'association des joueurs aurait pas pris du tout. Ce qui semblait être un risque de collusion, c'est que les joueurs autonomes, rappelle-toi, ça a été long avant de signer les bons joueurs autonomes. Je pense que J.D. Martinez a signé au mois de février, quelque chose de même, là. Et ce qu'on voit la saison, apparemment qu'on l'a pas trouvé drôle, et du côté des propriétaires, on voudrait travailler pour améliorer encore la durée des matchs et ainsi de suite, à changer ça un peu. Est-ce que ça peut mettre en veilleuse le projet du retour du baseball à Montréal? Non, puis c'est des menaces. C'est vrai que ça a été un hiver difficile l'an dernier, mais T'sais, il reste, après cette année, il va rester encore 3 ans au contrat. Okay. Moi, je pense qu'on a amplement le temps de se faire une idée de ce qu'on veut vraiment pour pas que les choses se répètent. Puis, vous savez, ça se répétera pas cette année, là. Mm. Là, vous avez Bryce Harper, vous avez Manny Machado, même s'il est avec les Dodgers maintenant, devient joueur autonome. Je dis pas que c'est normal ce qui est arrivé, mais faut pas s'en faire. Puis c'est normal aussi que Tony Clark dise, écoute, on n'a pas aimé ça, il va ouvertement, parce que justement, on va se donner le temps suffisamment, selon moi, pour arriver éventuellement à une entente dans 3 ans. Parce que, écoute, les arrêts de travail, là, ça a tellement... Je dis, le dernier arrêt de travail, c'est malheureusement 94, ouais. Les équipes connaissaient leur grande saison. C'est tellement plus néfaste qu'autre chose. Moi, je pense que les gens sont assez intelligents, en tout cas. Je vais leur donner le bénéfice du doute, là, pour pas qu'on s'en aille là. Alors, c'est justement, il reste 3 ans et demi à la convention. On a le temps de réparer un peu les pots cassés afin d'en arriver éventuellement à une entente qui va faire que tout le monde peut trouver son petit bout de chemin, là, ou peut trouver son... c'est un élément positif de chaque côté. Alors, c'est normal. Ben, ça a été effectivement un hiver où sans dire qu'il y a une collision, parce que il y a des gros contrats qui ont été signés. Là, c'est pas une mince affaire ce qui est arrivé. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'était passé à l'époque. Rappelez-vous, lorsque Tim Raines n'avait pas pu signer, était revenu seulement au mois de mai, là, à l'époque des Expos. Ça n'a rien à voir avec ces années-là. Alors, faut en prendre en laisser de ce côté-là. Mais ça ne mettra pas en veilleuse du tout soit une possible expansion ou un déménagement d'équipe. Non, mais en tout cas, pas à court terme. Ça peut mettre un break, par exemple, non? Ben, c'est-à-dire que tu peux pas... au contraire, moi, je pense que ça peut faire partie. T'sais, si tu dis à l'association des joueurs, écoute, on va vous créer 50 nouvelles jobs là, avec deux nouvelles équipes, puis là, vous allez me donner ci, puis ça. Et l'association des joueurs prend 50 nouveaux membres. Une chose, sont capables aussi de laisser passer une coupe d'affaires là-dedans. Okay. Là. Troisième point d'actualité, Marc, j'ai écouté l'excellent documentaire Fastball, très, très bon, ouais. Je l'ai écouté cette semaine. Nolan Ryan, c'était, quand on pense à ça, c'était tout un phénomène de la nature. Hein. Hey, le gars, il a lancé en moyenne 150 à 170 lancés. On dit même qu'en 1974, il avait lancé un match de 231 lancés contre Luis Diaz, un match qui avait duré 15 manches. Moi, je me suis posé la question par après, est-ce que c'est les lanceurs d'aujourd'hui qui sont moins endurants, ou c'est Nolan Ryan qui était une force de nature? Parce qu'aujourd'hui, à 100-105 lancés, là, on les arrête. Là. Puis Ryan a joué jusqu'à 46 ans, il lançait des balles de feu à 95 000 à l'heure encore à 46 ans. C'est quoi, là? Et rarement blessé, là, depuis que j'ai ajouté, rarement blessé. Écoute, honnêtement, là, je pense que la réponse, c'est un peu des deux. C'est-à-dire que Nolan Ryan est une force de nature. C'est un être exceptionnel. Tu sais, je veux dire, tout ce que tu viens de mentionner, là, on pourrait même pas s'imaginer voir ça aujourd'hui. Ouais. Mais tu parles aux lanceurs de l'époque. Tu parles aux lanceurs, là, justement, les gars qui ont lancé dans les années 60, 70, puis même, je dirais, jusqu'à les années 80, eux autres arrêtent pas de dire qu'on fait fausse route en ce moment dans la façon dont on bâtit les bras. Et eux autres, ils lançaient. Pour eux autres, dans leur tête, c'est bon, le bras, c'est des muscles, c'est des scies, alors faut les bâtir, faut les préparer. Ouais. Il faut aller à la guerre avec, en préparant des gars qui peuvent lancer 150, 160, jusqu'à même 200 lancés. Moi, je pense, honnêtement, là, qu'aujourd'hui, on est beaucoup trop prudent. On est je comprends que les nombreux Tommy John aujourd'hui, mais parce que on n'est pas capable de doser ça. Et même, je vous dirais là que je regarde, moi, je coach mes jeunes au baseball au Québec, là, puis on limite, OK, là, si tu lances 50 lancés, tu peux pas aller, faut que tu aies une journée de congé. C'est correct de mettre des guides, des barèmes, mais je trouve qu'ils sont beaucoup trop bas. On joue au baseball 4-5 mois par année au Québec, par exemple. On peut-tu lancer, là, puis on va prendre notre système. C'est un peu la même chose, selon moi, dans le baseball majeur aujourd'hui, c'est que on surprotège les bras, puis ils deviennent fragiles. On n'est pas capable de les pousser assez loin, puis là, ben parce qu'il y a un 5% qui subit des opérations à Tommy John, ben là, on est un peu sur le bouton panique. Alors, moi, je suis un peu dans la vieille mentalité où j'aimerais qu'on ait peut-être ça un petit peu plus. Mais bon, ça fait partie de la façon de faire du baseball d'aujourd'hui. Mais on ne commencerait pas à obstiner la médecine, Mais toujours est-il que Nolan Ryan, écoute, c'est extraordinaire. Mais tu sais, tu regardes ça, c'est tellement vrai ce que tu dis, Marc, parce que tu regardes des lanceurs japonais qui lancent, eux, c'est aux 6 jours, une fois par semaine. D'ailleurs, on a fait ça avec Ohtani quand il est arrivé. Quand il arrive en Amérique du Nord, c'est aux 5 jours. Puis c'est pour ça, de là, on parle les maux de bras, là. Ouais, écoute, moi, je pense encore une fois là, que puis on lance beaucoup plus, d'ailleurs, au Japon. Hein, en passant, ouais. Les autres, ils ont une mentalité qui sont différentes, qui est différente, c'est-à-dire... regarde, on pourrait débattre ça pendant des heures et des heures. T'sais, si on avait Claude Raymond sur la ligne, il dirait, hey, les gars, on lance pas assez, on fait pas assez ce qu'on appelle du long toss, donc lancer le plus loin possible, le plus fort possible. Regarde, je pense que des deux côtés, là, on aurait des points à débattre absolument, mais je pense qu'une combinaison des deux, où lorsque vous avez des joueurs avec des physiques ou une force de la nature un peu comme Ryan, on pourrait les étirer un petit peu plus. Mais bon, regarde, la mentalité, c'est de protéger. Aujourd'hui, on a une statistique qui dit 6 manches, 3 points mérités, c'est un départ de qualité. Ouais. Fait que le gars, il est mort de rire. Il dit, moi, là, m'a fait mes 100 lancers, m'a fait mes 6 manches. Je vais m'en aller là pour avoir des statistiques extraordinaires pour m'amener en arbitrage, pour aller chercher des gros salaires. Fait que tu comprends que le gars, aujourd'hui, il est pas obligé d'étirer ça jusqu'au bout. Puis, il a quand même ses statistiques à son avantage, puis il va chercher des gros salaires. Alors, c'est toute la combinaison de ça qui fait qu'à un moment donné, ça me surprendrait qu'on revienne à l'époque des années 60. Non, c'est sûr, c'est sûr. Non, que, normalement, quand tu changes d'époque, tu ne reviens pas par en arrière. Par contre, l'adage... Tu sais, moi, Marc, quand j'ai commencé à suivre le baseball, on disait que dans les mineurs, il fallait lancer 1000 manches. Tu l'as déjà entendu, celle-là? Là? Avant... Oh oui, je l'ai entendu. OK, fait que, mais là, c'est jamais ça. Là. C'est jamais ça aujourd'hui. Là. Ben, c'est-à-dire que là, ce qui arrive, c'est que faut pas oublier, par contre, là, que les programmes... Les universités américaines sont pas mal meilleures qu'à l'époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu repêches, tu as deux types de joueurs que tu repêches. High school, tu repêches des gars du high school ou tu repêches des gars qui sont ce qu'on appelle junior, donc une troisième année universitaire. Donc, les gars ont 21, 22 ans là, quand tu décides d'aller de ce côté-là. Alors, les gars arrivent, le calibre de la NCAA est de loin supérieur à ce qu'il était. Fait que le gars, il est pas obligé, s'il est repêché après son année junior, là, il n'est pas obligé de se taper 3 puis 4 ans dans les rangs mineurs comme c'était il y a 20 ans. Ouais. Alors, le gars, il est beaucoup plus près du baseball majeur. Alors, c'est évident qu'il va passer un an et demi, puis c'est très, très bon, maximum ça, puis il va se retrouver pas mal près des ligues majeures. Okay. C'est pour ça que quand tu signes high school, là, ça devient un petit peu plus dangereux parce que là, à 18 ans, tu as besoin de tes fameuses 1000 manches ou 1000 présences au bâton pour au moins avoir un peu d'expérience pour monter. Alors, tu sais, le baseball a changé beaucoup. Ouais. Il y a des meilleurs athlètes qui jouent au baseball dans les collèges américains parce que le baseball a maintenant une avenue intéressante pour eux autres. Puis ça fait en sorte qu'effectivement, on a des un peu comme tous les autres sports, le baseball a des joueurs de plus en plus jeunes, qui fait en sorte qu'on se retrouve avec des joueurs autonomes comme Machado ou comme Bryce Harper, qui ont seulement 25 ou 26 ans, puis ils deviennent déjà joueurs autonomes. Terminant, c'est l'ouverture des joueurs autonomes. Manny Machado a été échangé aux Dodgers, donc ça va forcer pas mal les autres équipes, dont les Diamondbacks, probablement à bouger. Les Yankees, les Red Sox, il va sûrement avoir de quoi. Du côté des Blue Jays, J-Hat est à vendre sûrement, puis ils ont trois Axford, Ho et également Tyler Clipper qui pourraient trouver preneur. Est-ce qu'un gars comme Justin Smoke, qui s'est drôlement replacé depuis 2 semaines, il pourrait être intéressant pour certaines équipes? Là. Il pourrait, mais il n'y a pas une grande valeur quand même. Okay. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que tu n'aurais pas cherché, mettons, un top prospect pour Justin Smoke. Tu vois, je comprends. Alors, moi, je pense que Smoke, c'est pas un gars qui a une grande valeur. Quand tu veux rebâtir, entre guillemets, ou tu vas chercher beaucoup, faut que tu ailles donner tes meilleurs joueurs, enfin, ceux qui sont susceptibles dont J-Hat, tu l'as mentionné. Évidemment, si Donaldson connaissait une bonne saison, regarde ce que les Orioles ont réussi à obtenir ou même la transaction des Indiens Cleveland et des Padres de San Diego. Il y a d'excellents jeunes là, qui se retrouvent dans ces transactions-là. Les Blue Jays sont malheureusement pour eux, Donaldson les a placés dans une situation très précaire où on n'a aucune valeur, on n'a rien pour Donaldson. Alors, ça devient difficile. Par contre, pour répondre à ta question, Oui, l'échange de Machado va faire bouger les choses. Et oui, cette année, selon moi, il va y en avoir beaucoup de changements. Déjà eu deux transactions quand même importantes, là, celle des Indiens avec les Padres et celle des Dodgers et des Orioles. Parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui vendent, qui sont vendeurs en ce moment. Il y a quand même beaucoup d'équipes qui sont encore acheteurs. Alors, ça fait un mélange qui est, selon moi, qui pourrait faire en sorte qu'on va avoir pas mal de changements. Et tu as raison de mentionner que dans la division Ouest nationale, on risque d'avoir du mouvement de personnel davantage compte tenu de ce que les Dodgers viennent de faire. Okay. Marc, toujours un plaisir de se parler, toujours intéressant, on se reparle dans 2-3 semaines. C'est bon, merci Dan. Collaborateur Marc.